parce que je trouve qu'on n'aide pas cette cause-là quand on n'arrête pas de souligner le fait que les femmes en ont trop, c'est injuste, les femmes en ont plus. Imagine le gars là qui est justement en situation de divorce, de séparation, mais ça va pas bien dans sa tête, puis il m'entend le matin, il dit « on sait bien, les femmes en ont plus, ça l'aide-tu ou ça le craint? » Ça le craint. Tu me suis-tu? Des fois, je me demande si on met pas un peu d'huile sur le feu. Donc, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Je vais continuer à dénoncer l'injustice. Les femmes en ont trop. Mais là, on va se prendre en main. On fera pas juste chialer et faire du blabla. On va l'organiser, notre journée internationale du gars. On va en ramasser de l'argent pour on va s'aider. Parce que la personne qui souffre, puis qui justement est dans son délire, dans sa tête, là. Là, c'est-tu la bonne femme à me laver, pis tatap, là, s'il écoute la radio, il entend, il y a deux choix. S'il entend quelqu'un qui arrête pas de chialer que c'est injuste les femmes, ça va le craquer. S'il entend un gars qui dit « Hey, on se fait une belle journée, on ramasse de l'argent, puis on s'aide. » Moi, je pense que tout part de la pression que les hommes se mettent sur ses épaules. Tu sais, nous autres, les filles, même des fois, on peut passer pour fatigantes parce qu'on se raconte nos affaires, puis on se confie, puis on en jase. Puis tu sais, à un moment donné, « Hey, faut que je te parle, on va aller prendre un café, tu sais. » Mais c'est rare, les gars, vous faites ça, parce que c'est la peur. Tu te vois-tu, toi, dire, je sais pas, moi, Mathieu, là, viens, on va aller prendre un café, faut que je te conte de quoi, là, j'ai rencontré une fille, là, puis... Non, on jase pas moins. Ça. Non, non mais écoute-moi. Pas, non, vous, mais écoute-moi, là, depuis qu'on a monté notre journée, là, je vais en reparler un matin, là, puis là, je veux pas trop, faut aller à la pause, là. Le nombre de personnes qui ont dit qu'ils allaient m'aider dans ma journée internationale du gars, que c'est eux-mêmes des gens en situation de divorce et de rupture qui ont dit « Hey, inquiète-toi pas pour telle affaire, là, je paye tout. Je m'occupe de ça. » Pourquoi? Parce que je suis dedans. Mais donc, c'est là, le donc problème. Ils sont portés à aider, à être solidaires. Il faut arrêter de dire... Mais comment ils aident? En payant. Non, mais c'est une très belle façon d'aider. C'est une bonne idée. Voyons donc. Je ne remets pas ça en cause, là. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent donc? Mais en jaser... Honnêtement, là, t'imagines-tu un homme d'affaires connu, là, OK, qui viendrait ici sur nos ondes pis qui dirait, savez-vous quoi? Je l'ai vécu, moi. J'ai été démolie. Hey, savez-vous quoi? J'ai fait un burn-out. Je n'ai jamais parlé à personne. J'avais honte. Non. Pis finalement, jamais t'entendrais ça. Non, tu l'auras pas. Mais ça, là, tu rêves en couleur, José. Mais je sais. C'est pour ça que je dis que le problème, il est là. Non. Moi, si le gars, il appelle à une ressource comme autonomie, il s'en va là, il se fait soigner, il était sur le bord de la crise, excellent. Je lui demanderai pas d'aller à la TV brailler devant tout le monde. Ça, non, exhiber sa souffrance, c'est pas masculin. Pas. Je te parle pas d'aller à la radio nécessairement, mais non, même en chum, même entre amis, même... Tu sais, vous gardez tout en dedans, la peur du jugement, qu'est-ce que le monde va penser s'il vous voit dans un moment de faiblesse. Non, fait José, que vous gardez tout, vous accumulez, paf, ça éclate. Je m'excuse, là, je suis pas d'accord avec toi. On va rester des gars. On va rester des gars. Ça n'empêche pas que, au lieu de commettre des folies, de se transformer en monstre, il faut dire aux gars, arrêtez, allez vous faire soigner, demandez de l'aide. Maintenant, on fera pas un téléthon pour ramasser de l'argent pour les hommes. Il n'y aura pas de marche dans les rues. On brûlera pas nos boxeurs. On ira pas brailler. Ça, c'est pas masculin. C'est pour ça que je l'aime, ma journée du gars. C'est un party de barbecue, de char. C'est un party de sport, de bière, de cheerleaders. C'est familial. Mais c'est un bel événement gars. Pis on va ramasser de l'argent pour des gars. Pis je ne demanderai pas à personne d'aller prendre le micro, d'aller brailler, de faire pitié devant tout le monde. Non, mais ça, c'est pas masculin, José. Un coup que ton argent va être ramassé, si tu veux les joindre, les hommes qui sont dans la misère puis qui vont cogner puis qui vont appeler à l'organisme. Oui, on va leur dire. Faut qu'ils passent par l'étape là de dire j'ai besoin d'aide, tu sais. Ouais, mais moi je vais dire, regarde, t'as pas besoin de venir pleurer ici devant moi. Prends le téléphone puis appelle. Puis ils vont te soigner de façon privée. Là présentement, on lui demande d'appeler au CLSC. Ben oui, c'est une bonne femme qui répond. Excusez l'expression, mais dans la tête d'un homme qui est fru parce qu'il s'est fait laver ou tout, quand ça répond au CLSC, oui, allez où? Lui, il fait encore une bonne femme. Il est fru, le gars. Ça y prend des ressources où ce qui s'en respecté, une gang, puis là, il va jaser, il va se faire soigner par un psy. Justement, là, c'est mal orienté, l'aide, là. Là, puis non, ton affaire mais, de témoignage... Mais moi, je ferais bien attention quand tu dis que les bonnes femmes sont là, parce que moi, je regarde les courriels, tu devrais voir le nombre de femmes aussi qui sont prêtes à aider. Là. Ben oui. Tu sais, c'est... Ben oui. Mais ça, c'est ça, je te le reconnais, je te le donne parce à 100%. Parce qu'un homme qui est en crise, il va toutes les mettre dans le même paquet. La seule affaire que je te dis, c'est que t'auras pas, justement, ça, vous l'avez, vous êtes peut-être meilleur là-dedans. Moi, je dis, vous êtes pas meilleur, vous êtes différente. Mais c'est sûr qu'une femme, quand ça va aller collecter de l'argent, sensibiliser, ça va faire des témoignages, ça va aller en avant, ça va faire des petits shows à TV, puis ça va... Ça, c'est féminin. Vous gérez vos émotions, vous les laissez sortir plus facilement. On fait pas ça, nous autres. On est pas de même. Mais c'est quoi, tu vas organiser des courses de démolition tous les samedis? Non, mais c'est parce que maintenant, il faut aussi essayer de trouver une solution concrète. C'est quoi le problème au Québec? Comment ça se fait qu'un gars qui se fait laisser là par sa blonde, il vire fou? Comment ça se fait qu'il est prêt à tuer ses enfants? On en met peut-être une, là. Il a pas assez d'aide. Moi, je pense, gars, Mario, t'es d'accord tantôt, c'en est une, là. On réglera pas tous les problèmes. Le gars à Gatineau, y a-tu une chance? Je sais pas, là. Mettons qu'il y aurait eu un groupe d'aide pour les hommes séparés à Gatineau, qui ont assez d'argent pour faire de la pub, que le numéro de téléphone est un petit peu partout, puis on le saura jamais. Peut-être que non, en passant, mais peut-être que le gars aurait pris le téléphone pour dire « si que je fais le pas, j'ai des idées noires, c'est pas ce que j'ai dans la tête, moi là, aidez-moi quelqu'un. » Puis si l'organisme a des ressources, puis il répond tout de suite « hey, on t'envoie quelqu'un, viens-t'en là, viens-t'en, on s'en va jaser, je t'amène, on va te soigner. » Peut-être qu'on l'aurait sauvé. Là où je te rejoins, c'est tu sais quoi? Guess, parce que je pensais à notre monsieur qui nous a appelé en détresse, qui nous a envoyé un courriel le matin, là. Il filait pas, là. Ben, même plus d'argent, il met de l'essence dans son char, tu t'en rappelles? Ouais, séparation, quoi, s'est fait geler son compte de banque. Mais, on en parle tellement dans l'émission que c'est ici qui a envoyé son appel à l'aide. Ouais. Fait qu'il y a peut-être de quoi, là. Effectivement, s'il y avait plus de pubs, plus de... Il nous a appelé puis il nous a écrit à nous autres, puis je suis bien content. C'est une belle marque de confiance. Moi, j'en étais heureux, puis on l'a aidé, puis on a réglé ça. Puis il y en a plein qui nous appellent avec des cas. Mais sérieusement, c'est pas normal. C'est pas normal que ça aboutisse ici. On va continuer à le faire parce que j'aime ça, mais c'est notre mandat non, mais aussi. Il y a de quoi. Oui. Alors, on va faire ça. Ça a été lancé vendredi. Je voulais en reparler encore un peu un matin. La journée internationale du gars. De l'homme, ça existe déjà. Ça a l'air, c'est le 19 novembre. Ouais. Excellent. Je toucherai pas à ça. Ça va être la journée internationale du gars. Méga party. Parce que là, votre réponse a été spectaculaire. Puis on va en ramasser de l'argent. C'est là, tu sais pas tout. T'as même pas su, Mais non, on se parle pas. Je garde tout pour moi. Je refoule, mais. Non, là. Je peux, vous allez. Pogné de quoi? Je peux déjà annoncer, ça va être notre plus gros 93, là. On n'a jamais rien fait de gros de main. Mais voyons donc, ouais. Non, c'est capoté, là. Là, ça rentre de partout, là. Les gars, ils se lèvent, là. Mais à leur façon. OK. Gabouch, on s'en occupe. Telle affaire, telle... Là, tu vas nous donner des détails tantôt, là. Les montants, tu vas capoter, vos poteaux, c'est ça. Vous allez pogné de quoi, là? On va changer. Il va y avoir des affaires différentes. Mais il faut vous continuer à embarquer, là. 7h08, j'en dis pas plus!